Les mots importants à retenir. Premier mot, le Coran. Le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé lui-même pour nous dire ce qu'il faut faire dans la vie. C'est l'ange Jibril qui a transmis le Coran au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed l'a récité et l'a transmis aux gens. C'est le même Coran que tu lis et entends chaque jour. Deuxième mot. L'Arabie. L'Arabie. L'Arabie, c'est le pays du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Arabie est un grand pays qui existe encore de nos jours. C'est là-bas que se trouvent Mecca et Al-Médina, les deux villes saintes de l'islam. Troisième mot. Al-Akhira. Al-Akhira. Al-Akhira, c'est l'au-delà, la vie après la mort. Dans cette deuxième vie-là, la vie de l'Akhira, les musulmans, les bonnes personnes, vont vivre heureux au paradis, tandis que les non-musulmans, les mauvaises personnes, vont vivre malheureux en enfer. Quatrième mot, Ramadan. Ramadan. Ramadan, c'est le mois du jeûne et c'est le mois du Coran. Allah nous a offert le Coran pendant le mois de Ramadan. Tous les ans, les musulmans jeûnent pendant le mois de Ramadan comme Allah leur a ordonné. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas et ne boivent pas pendant la journée, seulement le soir. Ils lisent beaucoup le Coran et font beaucoup d'adorations pendant ce mois béni. Cinquième mot. Jibril. Jibril. Jibril, c'est un ange qui transmet l'islam au prophète. L'ange Jibril a été chargé par Allah de transmettre tous les messages et livres au prophète. Et c'est lui qui a transmis le Coran au prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Jibril est le meilleur des anges. Sixième mot. Sourate. Sourate. Une sourate, c'est un chapitre du Coran. Le Coran contient 114 sourates. La première s'appelle Al-Fatiha et la dernière s'appelle An-Nas. La plus longue de toutes les sourates s'appelle Al-Baqara. Septième mot. Imam. Imam. Al-Imam, c'est celui qui dirige la prière en groupe. Les musulmans se réunissent 5 fois par jour pour prier dans les mosquées. Celui qui dirige la prière s'appelle Al-Imam. Il récite le Coran et les gens derrière lui l'écoutent. Huitième mot. Hasanat. Hasanat. Hasanat, ce sont les bonnes actions. Chaque fois que je fais une bonne action qu'Allah aime, Allah me compte une hasana. Et pour chaque hasanat, Allah me donnera une récompense dans l'akhira. Neuvième mot. Aya. Aya. Une aya, c'est un verset du Coran. Dans chaque sourate du Coran, il y a plusieurs aya. Ce sont ces ayat que je lis et que j'apprends par cœur. Et je récite les ayat dans chaque prière. Dixième mot. Tafsir al-Qur'an. Tafsir al-Qur'an. Tafsir al-Qur'an. C'est l'explication du Qur'an. Pour bien comprendre ce que Allah a dit dans le Qur'an, il faut étudier le tafsir. Ce sont les grands savants de l'islam qui ont écrit le tafsir. Et tu trouveras dedans les explications du prophète Mohammed et celles de ses compagnons.